Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre incursion hebdomadaire dans le monde de la science. Et nous allons faire aujourd'hui une incursion au cœur de la matière, dans les profondeurs de l'atome, puisque je recevrai à 18h30 deux étudiants de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Ils nous parleront de liquide de spin quantique. Ils nous expliqueront tout cela tout à l'heure. Mais pour commencer, on va commencer l'émission plus en douceur avec une incursion dans le monde des oiseaux. Et cette incursion, on va la faire avec André Desrochers, qui est professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval, qui nous vient d'ailleurs souvent, régulièrement, au micro de Futur Simple pour nous parler des oiseaux. Bonjour André. Bonjour. Et là, aujourd'hui, vous êtes ici donc, parce qu'il se passe en ce moment un événement quand même récurrent qui revient chaque année, donc le recensement des oiseaux de Noël. Et il avait lieu pour la région de Québec, il avait lieu ce dimanche. Comment ça s'est passé? Peut-être rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que ce fameux recensement des oiseaux de Noël. C'est pas les oiseaux de Noël qu'on recense, mais c'est le recensement qui est de Noël. Oui, c'est de l'anglais Christmas Bird Count. Puis c'est une vieille activité. On approche la 120e année, la 120e édition de ce recensement au niveau nord-américain, parce qu'il y a des milliers de villes qui font ça depuis donc autour de 120 ans. À Québec, ça fait un peu moins longtemps, mais quand même, on a commencé en 1943. De faire des recensements d'oiseaux de Noël. Alors, bon an, mal an, on en a fait chaque année, sauf de rares exceptions, tempêtes, des choses comme ça. Là. Donc, cette année, ça a eu lieu effectivement hier, dimanche, le 15, c'est ça. Souvent, c'est le samedi, il y a une confusion. Ouais. des fois, il y a des gens qui manquent le rendez-vous, littéralement. Hein. C'est comme moi. Mais c'est ça. Bref, c'était dimanche, puis voilà. Donc, ça s'est vraiment bien passé parce qu'il a fait quand même très beau. Ouais, hein. Ouais. Il a fait un petit peu froid, on va se le dire. Là, mais, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent. Ça doit aider. Ça aide énormément. Moi, je déteste le vent comme ornithologue. Là, je préfère les précipitations au vent, là, pour te dire. Là, mais ouais. Donc, hier, on a eu vraiment une superbe journée. Les oiseaux se cachent moins quand il n'y a pas de vent. Donc, est-ce que vous-même ou puis donc d'autres, il n'y a pas juste vous qui avez participé à ce recensement-là dans la région de Québec. Est-ce qu'on sait combien il y avait de personnes? Je n'ai pas encore le nombre exact, mais on était autour de 120 personnes peu près. Ouais, puis c'est dans la moyenne. Là, depuis plusieurs années déjà, là, on dépasse la centaine de participants. Mm-hmm. Et là, il y a des gens vraiment de tout acabit qui participent. Alors, il y a des gens qui connaissent très peu leurs oiseaux, mais qui ont une mangeoire dans leur cour, puis qui connaissent leur petit troupeau là, quotidien. Puis il y a d'autres personnes le plus maniaques là, qui vont même se lever des fois avant le lever de jour pour appeler les hiboux, les chouettes, pour en rajouter un petit peu sur leur liste quotidienne. Mm-hmm. Bref, il y en a pour tous les goûts. Mm-hmm. Et alors, quels sont les oiseaux qui étaient visibles donc à cette fin de semaine à Québec? Visibles? Il y a toujours quelques espèces rares qui se pointent donc dans l'agglomération de Québec qui vont le plaisir des gens qui les découvrent. On a eu plusieurs espèces de hibou et de chouette cette année. Mm-hmm. Je crois qu'on a eu 6. On a eu la nictale, les deux espèces de nictale qui sont toutes petites. Oui. La chouette épervière, la chouette rayée, le grand duc, le moyen duc. Bon. Il y a des chanceux. Il y a des chanceux, ouais. Ouais. Moi, j'ai pas vu de hibou hier, là. J'espérais bien. Puis souvent, on les découvre parce que c'est les corneilles ou les mésanges qui vont s'acharner sur leur cas, puis ils vont vocaliser beaucoup. Mm-hmm. Alors si vous entendez des corneilles s'exciter, là, se focaliser autour d'un conifère, souvent, c'est parce qu'il y a un grand-duc. Hein. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, alors ça, c'est la meilleure façon de les trouver. Mm-hmm. Et donc là, bon, on parle des rapaces nocturnes, mais dans les passereaux ou peut-être dans les oiseaux d'eau, est-ce qu'il y avait des observations particulières? On a eu beaucoup d'oiseaux d'eau encore, donc des canards colverts, encore des bernaches aussi. On a certainement bien au-dessus d'un millier de canards colverts là, qui ont été recensés. Mm-hmm. Puis plusieurs centaines de bernaches, donc. Alors ça, pour la faune aquatique, là, c'était assez bien. Le fleuve était quand même assez glacé à l'ouest des ponts cette année. Mm-hmm. Il y avait au moins les deux tiers du fleuve qui était couvert de glace. Par contre, vers Beauport, c'était pas mal plus dégagé. Mais là, donc, vous disiez que ces recensements existent depuis 1943, c'est ça? À Québec, 1943, il y a eu une tentative. On a essayé de faire lever ça en 1918 à Québec. Il y a eu 3 années, puis après ça, ça a lâché. Bon, il y a eu les guerres, il y a eu des enjeux un petit peu plus importants, là, mais... ça a repris donc en 1943, puis comme je disais tout à l'heure, ça a été assez constant depuis. On n'a pas tous les détails des données de cette époque-là. Moi, je suis un petit peu l'archiviste en même temps du recensement, là. Et voilà. Donc, il y avait très peu de participants aussi à l'époque, on s'imagine. Oui, c'est ça. Il y en avait genre 4, puis ils se connaissaient personnellement. Mais ils soupaient ensemble à la fin de leur journée. Sans doute. Mais c'est intéressant parce que ça fait quand même plus que 50 ans d'observation. Donc, même si avant, il y avait juste 4 observateurs, puis maintenant, il y en a une centaine. Donc, c'est peut-être pas vraiment comparé, mais ça donne quand même du recul. Est-ce qu'on voit une évolution dans les populations sur ces 50 ans, dans les populations d'oiseaux? Oui, absolument. Et le contraire serait étonnant, en fait. Hein? Mais oui, il y a des choses, évidemment, il y a eu des gagnants puis des perdants. C'est toujours le cas quand on a affaire à un grand nombre d'espèces d'oiseaux. On a quand même plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux là, qui sont régulières à ce temps-ci de l'année. Puis, donc, il y a des espèces qui ont explosé, là, qui ont augmenté en nombre. Le grand pic, hein, par exemple. On voit des grands pics assez régulièrement en maintenant. En pleine ville. Et hier, j'en ai vu 3. Moi, j'en ai vu un passer en vol au-dessus du quartier commercial à Saint-Nicolas. Puis ça, c'est un oiseau qui était impossible ou pratiquement impossible à voir avant les années 2000. Il y a les dindons qui sont apparus. Bon, À Québec? À Québec, il y a des dindons. Ben, en fait, plutôt sur la rive sud. Plutôt, hein, parce qu'il y a une chose à préciser, c'est que ces recensements-là ont lieu dans un cercle qui a 12 kilomètres de rayon. Alors, pour avoir une ordre de grandeur, le cercle à Québec est centré sur l'église de Saint-Sacrement, et puis il se rend à l'est jusqu'à la pointe de Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans, et à l'ouest jusqu'à l'aéroport, et au sud jusqu'à Pintendre, puis au nord jusqu'à Wendake, à peu près. Et voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de territoire. Oui, puis des milieux différents, parce que je vois, par exemple, on couvre la base de plein air de Sainte-Foy, probablement. Voilà. Donc, on est quand même en milieu urbain, mais forestier, proche de la ville. On a des milieux d'eau, on a du vraiment urbain-urbain, on a les plaines d'Abraham. Donc, on a un milieu diversifié, donc des espèces très variées. Oui, on en a pour tous les goûts, mais on a étudié l'évolution du paysage urbain depuis depuis les années 1970, là où on a beaucoup plus de données détaillées. Et puis, ce qu'on constate depuis 50 ans environ, c'est qu'il y a eu un recul des zones agricoles en périphérie. C'est pas étonnant. Il y en a encore beaucoup du côté sud, par contre, vers Pintendre, là. Mais du côté nord, il y a eu un énorme recul. À Charlebourg, à Beauport, autrefois, il y avait des champs. Exactement, oui. Puis, il y a un recul qui m'a frappé, moi, personnellement, quand j'ai analysé les données, c'est le recul des conifères. Il y a beaucoup moins de boisés de conifères dans la région de Québec qu'autrefois. Et ça, on le voit tout de suite dans les oiseaux de forêt coniférienne, les roitelets, couronnes dorées, les tarins, des choses comme ça. Même les gélinottes, qui sont de forêt mixte plutôt, là, ont vraiment chuté là, depuis une cinquantaine d'années. C'est des oiseaux qui sont souvent associés soit à des forêts mixtes ou coniférienne. Mais des massifs purement feuillus, là, comme on a maintenant en abondance, ça n'attire pas ces oiseaux-là. Mais là, les gélinottes, on n'en voit quand même pas trop en ville, justement. Même en terre agricole, c'est quand même des oiseaux forestiers. Oui, exactement. Mais ils n'ont pas besoin de si grands. Là. Il y a des... il y a des boisés, on en a vu une hier, justement, dans un boisé à Saint-Nicolas, en périphérie de l'agglomération. Il y a des... ça n'a pas besoin d'être énorme, là, mais ça prend un sous-bois quand même. Là. Et puis, donc, est-ce que... il y a quand même tout le milieu... l'urbanisation a changé, les terres agricoles tendent à disparaître. D'un autre côté, ce qui s'étend, c'est la banlieue, avec les maisons unifamiliales, et puis un espace de gazon, un espace gazonné, plus ou moins, des fois, une monoculture de gazon, puis des fois, il y a quand même des arbres. Est-ce que ça a fait venir des oiseaux? C'était ce milieu qui n'est pas vraiment naturel, mais qui n'est quand même pas 100% minéralisé. Clairement. Et puis, il y a toute une échelle, tu t'intéresses beaucoup à l'architecture, puis c'est passionnant. Du moins, c'est fascinant de marcher dans les quartiers et on peut déterminer la date approximative, les briques roses saumon, etc. Là. Maintenant, c'est les maisons gris, noir et brun, avec beaucoup de vitres. Et donc, on voit les quartiers comme ça, puis avec les quartiers viennent la démographie, on voit les enfants jouer dans les rues, là, puis ils sont associés à une certaine architecture de maison. Mm. Hein. Et aussi, bien sûr, les arbres. Donc, si on revient aux oiseaux, il y a souvent les gens vont planter des arbres décoratifs, etc. Ces arbres-là sont tout petits au début, mais éventuellement, donc, prennent du volume. Et la ville de Québec, en fait, ça enverdit hein, quand même, là, dans du moins dans certains quartiers qui... moi, je me souviens des quartiers où j'ai passé mon enfance, à Beauport, il y avait de tout petits arbres un peu partout. On venait de bâtir. Maintenant, c'est des énormes érables, souvent, qu'on voit là. Mm. C'est des quartiers, donc, qui sont très, très feuillus et qui attirent, finissent par attirer des oiseaux littéralement de forêt, là, feuillus, là. Mm-hmm. Durant l'été, du moins. Là. Mm-hmm. Durant l'hiver, bon, là, ils perdent leurs feuilles, puis c'est une autre histoire. Mais voilà, donc, puis là, il y a les pommetiers décoratifs, par exemple, que les gens plantent, et ça attire des oiseaux comme les jaseurs, et des oiseaux plus rares comme les moqueurs polyglottes, dont on parlait tout à l'heure avant l'émission. Donc, c'est ce genre de choses-là qui vont venir dans ces quartiers-là, puis les mangeoires, bien sûr, là, qui est l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais. Là. Exactement. Mais donc là, il doit y avoir, c'est pas les mêmes oiseaux qui fréquentent les milieux agricoles qu'il y avait auparavant, par exemple à Beauport, et donc il y avait des oiseaux qui fréquentent les champs, les cultures, et c'est pas les mêmes oiseaux qui fréquentent les banlieues. Même non. Si les banlieues sont un peu verdies, ce n'est pas les mêmes végétations. Il y a eu un remplacement là, des espèces. Alors, autrefois, on voyait des alouettes ou des plectrophanes, ouais. les oiseaux blancs, les goglus, ben l'été, là, les goglus, ici, vrai. L'hiver, ça serait plutôt étonnant. Mm. Mais les plectrophanes, les oiseaux, plusieurs personnes qui écoutent peut-être connaissent, là, c'est des oiseaux qui ont beaucoup de blancs dans les ailes, qui sont en groupe de volées, des fois d'une centaine, qu'on voit dans des milieux ouverts durant l'hiver, là, dans les champs où il y a de la paille un peu qui dépasse. Mm-hmm. Puis ça, c'est des oiseaux qui ont vraiment chuté. Il y en a beaucoup moins parce que leur habitat n'est plus là. Mais dans les banlieues, donc là, on a les juncos, les cardinaux, qui sont des oiseaux qui ont vraiment augmenté, les roselins familiers, les chardonnerets jaunes, les mésanges, évidemment. Mm-hmm. Hier, je pense qu'on a dû voir au-dessus de 200 mésanges dans la journée. Là. Mm-hmm. Juste moi et ma compagne là, sur le terrain. Mm-hmm. Donc, il y a eu vraiment d'énormes changements les espèces. Là. Les engoulevents, est-ce que c'est des oiseaux qu'on voyait plus dans les champs et qu'on voit moins, on n'en voit plus maintenant? Mais des peut-être qu'on n'en voit plus du tout, de toute façon, peut-être. Oui, bien là, ils sont au sud en ce moment, bien sûr, mais durant l'été, effectivement, les engoulevents, c'est un cas intéressant à Québec en particulier, parce qu'on voyait ces oiseaux-là beaucoup en ville, ils nichaient sur les toits plats, souvent les toits avec du gravier, là. C'était un de leurs habitats, puis on s'imagine que ça les protégeait contre les prédateurs, comme les ratons, les renards, etc., les chats. Puis, il n'y en a plus maintenant d'engouvrant vraiment en ville, mais on a pensé longtemps que là, il y avait vraiment une chute vertigineuse de l'espèce, mais on se rend compte que c'est des oiseaux qui sont quand même encore assez abondants dans des forêts qui ont brûlé récemment. Et Dieu sait qu'on a eu beaucoup de forêts qui ont brûlé récemment. Alors, il y a eu une production d'habitats d'engoulevents d'Amérique astronomique. C'est vrai? Dans ces dernières années. J'imagine qu'on va observer un effet positif de ça, ou du moins pour l'engoulevent. Ouais. Et dites-moi, André, aussi, il y a eu un changement quand même dans les 50 dernières années, même beaucoup plus récemment que ça, même dans la ville de Québec, c'est la renaturisation de la rivière Saint-Charles. Est-ce que ça aussi, ça a amené des nouveaux oiseaux d'eau? Oui, durant l'été, clairement, là, encore une fois, il y a eu un effet, c'est tellement un gain là, énorme. Hein, puis si les gens vont fouiller un peu sur Internet, voir les vieilles photos de la rivière Saint-Charles, c'est épouvantable. C'est pas beau. Alors, il y a eu l'époque du béton, mais avant l'époque du béton, c'était un dépotoir à ciel ouvert. C'est ça, c'était un miasme. Non, sérieusement, ça faisait pitié. Là. La rivière Saint-Charles, c'est un rêve maintenant. Puis évidemment, les oiseaux sont venus avec ces nouveaux aménagements-là. Donc ça, c'est vraiment un gros plus là, pour la région. Mm-hmm. Par contre, effectivement, c'est pas forcément des oiseaux qu'on recense lors du recensement de Noël, tous ces oiseaux dont on parle. Ouais. Non, effectivement. Là, il devait avoir quand même un peu d'eau libre. Je sais qu'il y a eu des harles, une espèce de canard là, qui a été observé hier là, sur la rivière le jour du recensement. Ah, quand même. Donc là, on parlait des mangeoires, effectivement, parce que, bon, en hiver, il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui s'en vont. On est quand même assez nombreux à vouloir avoir un peu de vie dans notre cour arrière. Donc, on met des mangeoires, ça fait venir des mésanges. Est-ce que les mangeoires ont une incidence sur les populations d'oiseaux? Est-ce qu'il y aurait moins de mésanges s'il n'y avait pas les mangeoires, par exemple? Oh, je parierais un gros montant là-dessus. Ouais. Je sais pas si... je connais pas d'études qui établissent ça clairement, mais ça me semble assez évident là, que les mangeoires augmentent la survie. En fait, J'ai fait ma maîtrise sur l'effet de l'alimentation par mangeoire sur la survie des mésanges dans l'Ouest. Puis on avait réussi à augmenter dans un dispositif expérimental la survie hivernale des mésanges d'autour de 15 % avec des mangeoires. 15 % c'est quand même pas rien. Puis 15 % ouais. Puis donc il y a eu d'autres démonstrations aussi de l'effet sur la survie hivernale. Donc on s'imagine que ça doit avoir impacté la population de manière globale, là. Il n'y a pas juste la survie hivernale qui compte, bien sûr, mais c'est un des éléments clés de la démographie de ces oiseaux-là. Donc, réponse courte, oui, les mangeoires aident probablement les oiseaux, donc les populations à se maintenir ou du moins même à augmenter. Puis, les gens se demandent souvent, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des mangeoires? Bon, on peut déséquilibrer le milieu, l'écosystème en faisant ça. Puis, je dirais que là-dessus, premièrement, la question d'équilibre, bon, on pourrait en discuter pendant des heures. On en a déjà discuté suite à votre livre. Je crois que finalement, c'est pas stable. De toute façon, c'est toujours une dynamique. Il y a des forces opposées qui peuvent maintenir un certain équilibre. Puis le problème, c'est que c'est pas forcément quelque chose... Qu'est-ce qui est souhaitable, dans le fond? Hein? Si je demandais aux gens, combien de mésanges veut-on? Il n'y a pas un scientifique qui peut répondre à cette question-là. C'est une question purement subjective. Puis, il y a plus de mésanges. Moi, je me réjouis parce que c'est un oiseau qui est jovial, puis qui embellit, etc. Puis là, il y a les autres espèces là, qui ne sont pas ici normalement l'hiver, comme les juncos, les bruants à gorge blanche. Bon, des espèces comme ça qui vont souvent traîner dans notre course. On a des mangeoires. Et là, c'est sûr qu'on peut leur porter préjudice. Parce que normalement, ils seraient partis. C'est un peu comme les colibris. Moi, j'encourage les gens, évidemment, à ce temps-ci, il n'y en a pas, là, mais au mois de septembre, c'est une bonne idée de se débarrasser de nos abreuvoirs à colibris dès le 1er septembre. Parce que sinon, les colibris peuvent coller dans le secteur parce qu'ils sont nourris. Mais là, arrive une journée froide, une période très, très froide, puis là, ils meurent. Donc, parce qu'ils ont été un petit peu paresseux sur leur date de départ vers le sud. Donc, c'est une bonne idée, dans le cas de certaines espèces comme les colibris, de ne pas les nourrir trop tard. Par contre, les mésanges, si on arrête de les nourrir en plein hiver, je vois pas de problème. Là. C'est des oiseaux qui sont aguerris, ils vont se débrouiller. Les juncos aussi, même les cardinaux, etc., les pics, les citelles, pas trop de soucis. Et les moineaux, en fait, qu'est-ce qui viennent dans tout ça? Parce que justement, quand on parle de l'évolution des populations d'oiseaux, dans les 50 dernières années, on a vu la diminution des populations de moineaux. Ouais. Ils sont passés où, les moineaux? Ils sont disparus dans l'outre-monde. Il y a moins de moineaux maintenant en ville, clairement, qu'autrefois. Puis d'ailleurs, je fouillais dans des vieilles données récemment, là, des années 1970, puis c'est incroyable comme les gens voyaient des moineaux par centaines. Là, puis on voit plus ça maintenant. Puis souvent, c'était des endroits, par exemple, reliés au milieu agricole encore. Souvent des granges ou avec des chevaux ou des bovins. Et ça, évidemment, c'était de l'habitat là, à moineaux là, qui sont associés à ces animaux-là, qui vont passer souvent la nuit ou les périodes froides dans les bâtiments de fermes dont les portes restent ouvertes, là, puis tout ça. Donc ça, c'est un décor qu'on voit beaucoup moins. Là, mais on en voyait aussi en ville quand même des moineaux, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le moineau domestique là. Donc il était fréquent en ville aussi. Oui, mais c'était peut-être un débordement des moineaux agricoles qui se retrouvaient en ville. C'était peut-être un effet de débordement qu'on voyait ici. Je ne crois pas que la pouponnière à moineaux de Québec, c'était la ville en tant que telle. C'était probablement plus les milieux agricoles autour. Bon, ça demeure, on pourrait en discuter, mais... ce serait mon humble théorie sur la question des moineaux. Mais clairement, ils ont diminué. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Donc, la question m'est arrivée comme ça d'un seul coup, mais revenons aux mangeoires. Parce que bon, dans les mangeoires, on va peut-être privilégier les mésanges, peut-être au détriment d'autres espèces. Finalement, est-ce que, si par exemple on donne du tournesol dans nos mangeoires, les mésanges vont venir les manger, mais peut-être qu'on devrait peut-être penser à donner autre chose dans nos mangeoires pour aider aussi d'autres espèces d'oiseaux? Est-ce qu'on n'a pas un biais aussi avec ce qu'on donne à manger aux mangeoires sur les populations d'oiseaux? Oui, sur les c'est espèces? Clair. Ben, on y va pour les choses faciles. Hein, des graines, on peut stocker ça dans... Moi, j'ai une poubelle en métal à l'extérieur, anti-raton laveur et autre chose, là, puis je mets mes graines là-dedans à l'extérieur. Ça se stocke bien. C'est sûr que si on voulait vraiment être généreux pour les oiseaux, on pourrait mettre des vers à farine ou des choses comme exactement. Ça. Exactement, c'est un peu des plus grillons. Difficile à manipuler. Mais là, c'est une gestion, là, on s'entend. Là. Ouais. Fait que les gens iront pas. Bon, je connais des gens qui sont assez maniaques, là, qui vont aller jusque-là. Mais sinon, il y a une chose qui fait vraiment une énorme différence, c'est les bassins d'eau chauffés. On peut acheter ça au Quincaillerie, là, où il y a des boutiques spécialisées. Tu mets donc un bassin, évidemment, à l'hiver, ici, si tu mets un peu d'eau dans le bassin, bien, tu vas avoir une patinoire, là. Mais tu peux acheter des bassins qui sont branchés sur une faible source de chaleur qui tient juste l'eau au-dessus du point de congélation. Et les oiseaux utilisent ça énormément durant l'hiver. Parce que, bon, prendre son bain dans la neige, c'est pas aussi efficace, bien sûr, que dans l'eau. Et dès qu'il y a un point d'eau comme ça, là, toutes les espèces, peu importe ce qu'elles mangent, vont bénéficier de ça. Ah, ça veut dire que même en hiver, c'est vrai, parce qu'on donne les oiseaux boivent en hiver, on les voit aller se baigner, on les voit se baigner d'ailleurs, ils ne font pas que boire, on les voit se baigner. Oui, c'est ça. Mais oui, ils ont besoin de boire aussi en hiver, et d'ailleurs, c'était des fois une question que je me posais, où est-ce qu'ils trouvent leur eau? Oui, ben exactement. Ils peuvent boire de la neige, entre guillemets, mais on sait que le facteur de volume de neige, c'est 10 pour 1 par rapport à l'eau. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de neige pour faire un millilitre d'eau. Là. Donc, encore une fois, le bassin devient vraiment un avantage pour ça. Alors, est-ce que dans toutes ces données qui sont récupérées par le recensement de Noël, que deviennent-elles? Bonne question. Alors, autrefois, à l'ère du papier, les gens recevaient, les participants, ils pouvaient demander au club d'ornithologie de leur envoyer des formulaires papier que ces gens-là remplissaient donc à la fin de leur journée, puis retournaient par la poste au club, puis bon, ça prenait un mois finalement à compiler tout ça. Maintenant, on utilise eBird, là, qui est le portail, on en a souvent parlé, de l'ornithologie. Moi, je demande aux gens de formater leur liste eBird, de mettre certaines informations précises dans leur liste, comme par exemple, était-il en automobile ou était-il à une mangeoire? Puis, bon, ce genre de choses-là. En quoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'évidemment, si on est en auto, il y a des oiseaux qu'on va beaucoup moins détecter que si on est à pied. Les oiseaux qui font comme les plectrophènes, mettons, qui passent très haut dans le ciel, qui vont faire un cri, bon, on ne l'entendra pas si on est en auto. Donc ça peut jouer. Puis les mangeoires, bien sûr, ben ça nous permet de mesurer donc l'effet mangeoire, si on veut, sur les populations, si on a des données sur le nombre d'heures passées à observer à des mangeoires, ce qu'on n'avait pas autrefois. Donc, mais moi, j'ai des caisses de documents, là, qui est un peu pêle-mêle, que je suis en train de saisir, une vraie job de moine, comme on dit, là, un à un, que je mets en ligne sur eBird pour que toute l'information soit disponible sur un format électronique. Pour le bénéfice donc des gens dans le futur qui vont pouvoir analyser ces données-là. Parce qu'il y a encore énormément de données qui dorment sur des feuillets en papier qui sont non analysables parce que les détails ne sont pas dans les fichiers. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information? Bon, comme on l'a dit un petit peu, bon, l'évolution des populations d'oiseaux au fil des ans, qu'est-ce qu'on peut en... Tout ça, donc toutes les tendances. Il y a un aspect donc très scientifique à la chose. Il y a un aspect ludique aussi. Si on a les informations bien classées, les gens peuvent voir, quelle fut leur meilleure année de recensement. Les gens aiment bien battre leur propre record dans leur patelin. Ouais, l'année passée, j'ai eu 22 espèces, j'essaie de battre ça cette année, bon, etc. Il y a un aspect jeu un peu là-dedans qui attire beaucoup d'observateurs, on va se le dire, là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, mais ça prend l'information quelque part en format disponible. Actuellement, je travaille sur un site web qui va permettre aux gens d'explorer de manière interactive toutes les données historiques du recensement des oiseaux de Noël de Québec depuis 1943. Donc, un petit projet pour les fêtes, là. Puis, c'est ça. Donc, mais les données, ils étaient en format papier. Donc, on travaille actuellement à tout scanner. Mais est-ce que les scientifiques peuvent les utiliser après? Si, bon, je ne sais pas, un scientifique veut connaître l'évolution de telle espèce d'oiseau ou alors qu'est-ce qui se passe à tel endroit précisément, je ne sais pas. Donc, ces données sont accessibles. Est-ce qu'elles sont... On en tire des publications scientifiques, par exemple? Oui, il y a des dizaines et des dizaines de publications scientifiques dans les meilleures revues qui ont été publiées avec les données du recensement d'oiseaux de Noël parce que, comme je disais en début d'émission, il y a des centaines, voire des milliers de villes en Amérique du Nord qui font ça depuis des décennies. Et toutes ces données-là sont disponibles sur le site web de Oiseau Canada et de la Société Audubon nord-américaine. Donc, c'est des données que les gens peuvent télécharger puis analyser. Oui, mais les gens, personnellement, c'est pas forcément les gens chez eux qui vont analyser ça, qui vont en tirer une publication scientifique. Donc, est-ce que dans les laboratoires, les scientifiques, comme vous, par exemple, est-ce que c'est des données qui les intéressent, qui sont suffisamment précises pour être utilisées et en faire une connaissance publiable. Oui, oui, exactement. Puis on se sert de ça pour faire des ouvrages comme l'État des oiseaux du Canada, qui vient de sortir d'ailleurs sa dernière édition 2024, en Amérique du Nord, aux États-Unis aussi. Okay. Donc, c'est des données qui sont au cœur de ces analyses-là, des grandes tendances de population d'oiseaux continentales. Donc, ça sert, là, évidemment. Mais il y a un niveau de résolution, je sais qu'on va manquer de temps, mais il y a un niveau de résolution important. C'est celui donc de la parcelle de recensement. Une ville dont je parlais avec le cercle là, du rayon de 12 km, ça c'est l'unité, si on veut, d'échantillonnage dans termes techniques. Et il y a des milliers de ça. Mais à Québec aussi, on a un niveau de résolution beaucoup plus précis. C'est-à-dire que notre cercle, il est divisé en 75 parcelles, secteurs. Et on est capable de faire l'analyse séparément dans chacun des 75. Parce qu'il y a des secteurs qui ont vécu l'étalement urbain, mais d'autres pas. Comme le secteur des plaines d'Abraham, ça n'a pas changé, ça. Exact. Depuis 50 ans. Mais Beauport, Charlebourg, ça a changé. Donc, on peut faire des comparaisons directes, nous, ici à Québec, que beaucoup de recensements ne peuvent pas faire parce que tout est fondu dans une dans le cercle. Ah, c'est quand même intéressant. Et est-ce qu'on a, au fil des ans, une augmentation des recenseurs? Énorme. Est-ce que c'est, bon, parce qu'on voit bien que, bon, l'ornithologie, on voit des gens qui sortent avec leurs grosses jumelles, leurs grosses longues vues, les appareils photos. C'est quand même... puis, bon, il y a plein de graines à vendre dans les jardineries. Donc, il y a beaucoup de gens qui observent les oiseaux, quand même. Oui, c'est des centaines de personnes, juste dans la région de Québec. Puis comme on le disait tout à l'heure, ben, on a au-dessus d'une centaine de participants maintenant à chaque année. Là. Alors, on a peut-être raté ce rendez-vous-là qui était hier, mais il y en aura un autre l'année prochaine. Et de toute façon, tous les jours sont bons dans l'année pour faire des observations et compiler nos observations dans eBird. Oui. Je vous encourage tout le monde à aller voir ça. Nous, on a un groupe Facebook sur le recensement des oiseaux de Noël aussi, dont j'ai pas le. Ben, c'est le recensement des oiseaux de Noël de Québec, je crois que c'est le nom exact du groupe Facebook. Donc, ceux et celles qui sont passionnés de la chose, vous pouvez vous joindre au groupe et avoir toutes les dernières informations. Nous, d'habitude, on est actifs là, dans le mois qui précède le recensement, puis on le demeure à peu près une ou deux semaines ensuite pour publier tous les résultats et organiser tout ça. Donc, ça va être un rendez-vous encore pour l'année prochaine autour de la mi-novembre. Oui, puis de toute façon, pendant toute l'année, on peut toujours faire des observations, puis avoir un compte eBird et inscrire nos observations. Oui, je rêve d'avoir le recensement des oiseaux de la Saint-Jean, là, à Québec, où on aurait beaucoup plus d'espèces. C'est vrai. Très bien. Ben alors, merci beaucoup, André, pour ce petit survol du recensement des oiseaux de Noël. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je rappelle que nous étions en compagnie d'André Desrochers, qui est professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval.